chan mas Ma pe si yon ti me me kap kade Le mwen jel fikse sou mwen Oblije man el sa ki genyen O liel repond mwen Li kouri vin chita kote Li di mwen ti gason Mwen gen problem sentimental Est kon a kwa pou m'okupe ou A kondisyon pou toujou l'humen Ramon devant, m'ap suivo Ton l'humen Oui, un jeune garçon qui va dans le travail, c'est jeune un grand monde qui va occuper. Moi, je chemin la jambe à gain piquant, tout le monde aime l'eau, j'en connais. J'aime Jean Garant, moi, des mélanges, j'ai un jambe pour satisfaire. Comme on chute à mettre la jambe de l'eau, c'est pour aimer causer. Oh, mais vous caillez là. près de Lyon. Cupid campé sous Jupiter. Ronald Michel, c'est bon jeune Jean. Arnold Hill, c'est pas Thomas. Gardiré, tout pour mon temps. Mais Pépé dit pas qu'il y a plaisanterie là. Papit même, son pour Yannis. Moi si on compte la grande nana pour me tout l'humain. Les pour la grande nana gardez pédale. Tellement job la dit. C'est anglais seulement grande nana v'lait pas la avec anglais. Mais l'homme douce ça, mauvais anglais. Dans des agrès mon nom dit moi. Pas un métier mais li obligé. Moi connais qu'on pile jeune garçon. La vie a du qui pas dans le travail. Demain en poche souvent sans l'argent. Yo obligé, yo obligé.